Aujourd'hui, à Geekorama. Geekorama. Hey, salut tout le monde et bienvenue à ce 40e épisode de Geekorama. Mon nom est Dominique Jean et aujourd'hui je vais vous parler d'un album qui s'appelle Insert Volume 3 Ninja or Die par Professeur Sakamoto. Ça c'est un maudit bon album de chiptunes que j'ai découvert sur Bandcamp qu'on peut se procurer pour 7 US, fait que c'est environ 10$. Mais quant à moi ça vaut chaque sou parce que c'est vraiment bon. Ça c'est... Je verrais littéralement là, une bonne compagnie indépendante va faire un jeu avec le titre Ninja or Die avec ce soundtrack là. C'est juste débile à quel point ça fit dans un jeu rétro. C'est vraiment excellent, la composition est vraiment bonne. Puis fallait absolument que je vous en parle parce que c'est de la bombe. Fait que pour le bloc 1, les amis, on a Opening The Way of the Ninja. Après ça, Stage 1 Hanzoman. Bonne écoute. We'll be right back. Et pour le bloc numéro 2, eh bien, on a le Stage 2, Kanda Myojin. Après ça, Stage 3, Chinobazu Pound. Et Stage 4, Kaminariman. Bonne écoute. Pour le bloc numéro 3, eh bien, c'est le Stage 5, Neo Edo Castle et la tune de Boss, Fuma Botusai. Bonne écoute. Et voilà, c'est la conclusion, les amis. J'espère que vous avez apprécié cet épisode-là. Moi, dans mon cas, c'est dans mes coups de cœur cette année, dans les albums chiptunes. Vraiment, là, c'est... La composition est vraiment top-notch. Puis, s'il vous plaît, Ninja or Die, come on, un jeu, make it happen, please. Ça serait vraiment cool. Fait que, mais avant de vous laisser, je vais vous laisser avec la toune ending de Shinobi Chronicles. Au revoir. Thank you.